Anaïs, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Anaïs, aujourd'hui dans votre journal, mais comment sublimer une cuisante défaite ? C'est la mission que se donne Jean de Vavrin dans La croisade sur le Danube, dont le texte est traduit du moyen français, j'allais dire du Moyen-Âge, vous voyez, et présenté par Johanna Barreto aux éditions Anacharsis. Jean de Vavrin y raconte la guerre, celle de son neveu, Valéran de Vavrin. C'est le récit de la toute dernière des croisades, de 1442 à 1445, contre les Ottomans, qui progressent dans les Balkans et particulièrement sur le territoire de l'Empire byzantin, réduit à la ville de Constantinople et à ses alentours. Alors c'est toujours un peu compliqué, on en parlait, la contextualisation, mais alors pour les croisades, il faut préciser. Donc qui sont les belligérants dans cette croisade sur le Danube, Anaïs ? Oui, exercice incontournable. Pour commencer, il y a le pape Eugène IV qui tente de sauver sa réconciliation récente et fragile avec l'Église d'Orient pour conserver l'unité chrétienne. On tente de se remettre du grand schisme qui a divisé en deux la chrétienté depuis une trentaine d'années. La ville de Venise vient en soutien logistique, histoire de prendre position face à Gênes, sa rivale en Méditerranée qui a une fâcheuse tendance à proposer ses services aux Turcs pour conserver ses places commerciales. Ensuite, il y a le duché de Bourgogne, dont Valéran de Vavrin est le capitaine. Ces trois puissances, papales, vénitiennes et bourguignonnes, doivent joindre leurs forces à celles de la Hongrie, de la Pologne, de Ladislas Jagellon, surnommé Lancelot, c'est évocateur, qui fera long feu à la bataille de Varna, et de la Valachie, c'est une petite partie de la future Roumanie, de Vlad de Dracula. Alors, pas celui de Bram Stoker, c'est son fils, qui lui inspire son personnage un peu plus tard. On admettra d'ailleurs que le surnom du rejeton était engageant, Vlad III l'Empaleur Dracula. Cette famille Dracula ne crache pas de feu, mais appartiennent à l'ordre du dragon, protecteur de la chrétienté et féru de croisade, donc. Donc, pas de canines apparentes, pas de gouttes de sang sur le menton après le bon gueuleton, tout ça, c'est un peu décevant, non ? Alors, le décor reste merveilleux, mais n'empêche pas Jean de Vavrin de faire œuvre d'historien. La clé de voûte de cette expédition, c'est l'information. Dans une guerre à front multiple, sur terre et sur mer, communiquer s'avère crucial. Avant le télégraphe et la 5G, le mensonge se fait arme de destruction et participe à la confusion générale, d'autant plus grande en l'absence de partage clair entre les fronts, avec son lot de renversements d'alliances, d'espionnage et de messages délivrés trop tard. Alors qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour rendre une bonne guerre ? Je vous révèle tout de suite la fin, c'est une belle déculottée et une hécatombe du côté des têtes couronnées qui s'étaient lancées dans l'aventure. Pas de suspense donc ici, mais l'intérêt de cette croisade sur le Danube est ailleurs. Un récit épique qui convoque toutes les forces surnaturelles et légendaires dignes d'accompagner les héros qui la conduisent. Une défaite, certes, et puisqu'on ne peut pas la taire, elle se doit d'être magnifique sous la plume de Jean de Vavrin. On croise donc des Amazones, Hercule, Hippolyte, Héra, et évidemment la guerre de Troie, mère de toutes les guerres, pour tenter, en vain, de sortir de la banalité du déchaînement de la violence. Ah oui, alors pour rencontrer ces personnages de cette épopée vraie, c'est La croisade sur le Danube, c'est aux éditions Anacharsis, dans la collection Famagouste.